Haute Helleng, la forêt aimée du temps. Première session. Vous avez été porté par les flots, des flots majestueux qui semblent être maîtres du monde, des vagues immenses qui viennent lécher les côtes de ce pays étrange sous tous les rapports, outre la latitude à laquelle il se trouve, l'éloignement qu'il observe par rapport à vos contrées, des provinces unies. Les odeurs, les senteurs, tout concourt à en faire un monde différent. Vous avez quitté le monde des vivants. Vous avez quitté l'immense port de Batavia, fleuron du Voc. Le Voc est inscrit, sérigraphié sur le moindre des objets que vous avez par-devers vous. C'est le Voc et sous ses couleurs qui vous anime. Le gouverneur de Batavia n'est autre que le représentant du Voc. On y frappe monnaie. On y établit des obligations qui, pour certains, sont jugées monnaie de singe. Ce n'est pas le cas des hommes aguerris qui vous accompagnent. La tâche qui lui incombe d'assurer les intérêts des provinces unies et celui ou ceux du Voc au regard des intérêts étrangers. Assurer l'essor du commerce du sucre, les routes commerciales sur lesquelles vous avez une emprise certaine, une mainmise désirée contre les intérêts portugais, chinois. L'Empire est un dragon au pied d'argile et votre congé, vous le tenez du tout-puissant gouverneur de Batavia. Vous avez depuis longtemps abandonné votre brique dans une anse pour gagner en chaloupe le rivage. Vous éloigner encore un peu plus de ce que vous connaissiez et prendre la route accompagné de quelques coulis chinois qui portent les denrées qui vous seront nécessaires au voyage. C'est encore la belle saison, celle qui précède les pluies de mousson que tu n'as pas eu l'heure de connaître, même si la soldatesque qui vous accompagne s'en est déjà plaint au halt lorsqu'il joue bruyamment au dé, aux osselets, tente de gagner au jeu abscon auquel ils se risquent avec les coulis, sûrs de leur bon droit et de pouvoir récupérer leur mise par quelques coups bien placés. Une amitié virile les lie les uns aux autres et impose leur volonté à vos domestiques qui portent péniblement leur charge sous un soleil implacable. C'est avec un certain soulagement que tu as vu l'orée de la jungle se dessiner sur les hauteurs, le chemin s'en approcher, mais tu as bien vite déchanté. Le chemin s'y enfonce, s'y perd. Les arbres sont immenses. Certes, le soleil ne tombe pas abrupt, ne grille pas vos couanes, mais il est présent, omniprésent, la chaleur est étouffante sous les frondaisons inextricables que ménage cette forêt omniprésente. Partout où elle s'étend, vivante, bruissante. Après une première journée harassante, vous rejoignez un village et au matin suivant, lorsque, après scope, vous le quittez, ragaillardi par une nuit de repos, à la belle étoile, sous quelques toiles, vous comptez moins de ballots, moins de denrées, une partie des coulisses étant évaporée, ayant disparu corps et biens avec vos biens justement. Et il vous faut faire un choix sur le matériel que vous emportez. Vous n'avez aucune monture de bas pour transporter le matériel, elle ne serait guère d'utilité. Vous avez croisé aux environs de Batavia des jésuites qui se trimbalaient sur leurs ânes, mais il eût été fort malaisé de les faire voyager jusque dans la contrée où vous vous rendez. Tu n'as pas retenu le nom que lui donne le vieux Armen, qui peine, qui sue sous son grand chapeau et régulièrement absorbe la sueur qui lui ruisselle dans le cou, sur les yeux. Oui, il prend heureusement de nombreuses haltes pour croquer dans son carnet des esquisses ou pour juger du chemin opportun. Vous avez délaissé plusieurs bifurcations, vous enfonçant toujours plus avant dans la jungle. Il a à cœur de gravir les pentes qui se dérobent à lui dont la santé semble des plus précaires en ces lieux. Il n'est pas l'air accoutumé, fût-il un grand naturaliste, à la rigueur du climat. Il peine grandement à gravir les éminences du haut desquelles, avec son sextant, il calcule votre route à l'estime. Il s'y reprend à plusieurs fois, noircit ses carnets et parle de Palembang, l'une des cités vers laquelle vous vous rendriez. Vous auriez pu la gagner par la route, mais ce n'est pas là l'ambition du maître. Le maître entend, lui, s'aventurer au cœur du pays, au cœur de la forêt, pour y rencontrer les gens qui la peuplent, les sauvages. Ce n'est pas du goût de tous les soldats, tu les as entendus dans la journée maugréer des détours que prend le vieux maître, des exigences qu'il a d'aller affronter le soleil au plus fort de la journée pour ses calculs. Il suffit de suivre le chemin pour ces vieux soldats. Tous les chemins mènent à Rome, et celui-ci en vaut un autre pour ces mêmes soldats. Mais ce n'est pas... Je ne savais pas qu'on allait à Rome. Nous allons... Tu dis fort bien, mon ami. Nous allons à Palembang. Et Palembang n'est pas à Rome, loin s'en faut. Il y en a plein qui disent... Des mois de mer entre les deux. Il y a des gens qui me disent « Tous les chemins mènent à Rome ». On est sur un chemin. Mais ne les écoute pas, ce ne sont que des gendarmes. Et d'ailleurs, ça ils ne connaissent rien aux cartolans, aux figures que qu'ont tracées nos aïeux et nos braves navigateurs. Ils sont des fétus de paille égarés dans le vent. Ils sont juste là pour dissuader les plus ambitieux des sauvages à venir nous rouer de coups la nuit venue. Ça va, Armen ? Oui, ça ira, ça ira. Mais va me chercher quelque chose qui puisse me servir de canne. Ma jambe me lance et j'ai peine à progresser. Mes vieilles bottes sont une torture pour mes pieds. Prends cette branche. Tu lui tailles une canne dans l'un des nombreux bambous qui bordent le chemin. Il n'y a pas de sol ou d'arbre. Tu n'as pas vu de sol. Pas vu de sol, mais l'avantage de la canne, c'est qu'elle pourra... comme aller, Je prends une branche, un bout de bambou et je... Tu lui tailles. Hop, tiens. Je te remercie. De rien. Je fais pour ça. Les amis. Veille à garder ta place, jeune homme. Nous ne sommes pas amis. Nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. Que je sache. Oui. Oui, maître, doit dire un... Oui, maître. Très bien. Si tu apprends vite, tu pourras progresser dans la compagnie et peut-être qu'il t'adviendra, qui sait... De m'occuper des animaux ? De devenir comptable. Si tu coûtes fort bien et que tu m'aides dans mes travaux, peut-être pourras-tu espérer quelque emploi plus attrayant au sein du VOC. Nous ne sommes qu'une des branches de l'arbre immense du VOC, mais nous contribuons à sa grandeur. Vous marchèrent ainsi jusqu'au soir, toujours accompagnés des six soldats. En revanche, le nombre de coulis encore décru, il n'en reste plus que deux qui sont restés avec vous. Et vous avez juste de quoi subsister encore une semaine tout au plus avec les vivres qui vous restent par-devers vous. Ils sont partis avec les toiles qui vous servent à vous abriter, une partie des outils, une partie des vivres et singulièrement des alcools aux grandes dames des soldats. Il est décidé au soir, après une vive conversation entre le maître et le sergent, que trois des siens iront à la recherche dans la campagne des vivres qui ont été subtilisés par les coulis indélicats pour s'assurer de la poursuite de l'expédition. Vous marchez le jour suivant pour rejoindre un village au bord d'une rivière indolente. Et dans un sabir étrange à tes oreilles, Armen négocie auprès du chef du village que celui-ci vous accorde le gîte et le couvert le temps que le reste des soldats vous rejoignent. Il vous est proposé une case, une hutte faite de branchages sous laquelle vous pourrez vous abriter de la pluie qui s'annonce. Les nuages se sont amoncelés toute la journée. Une pluie que l'on dit abondante en ces contrées lorsqu'elle se décide à entrer dans le temps de la mousson, et il s'agirait de la première d'une longue série. Armen ? Oui, Léo ? On pourrait aller chasser au lieu d'user nos vivres. Aller chasser et manger, comme ça on en a plus. Je ne suis pas là pour chasser les animaux. Pour les découvrir, peut-être. Mais on pourra envoyer certains de nos hommes demain à la chasse. Je parle pas d'animaux. Je parle pas de... Enfin, je parle de certains poissons. Pêcher, mais je ne m'y connais pas plus et je n'ai aucune envie de m'y risquer. En revanche, nous allons profiter de cette halte pour faire un petit inventaire de la faune qui se trouve dans les environs... dans la jungle. Nous laisserons le soin au sergent et à ses hommes d'aller chercher des vivres de leur côté, tandis que nous irons pour réaliser l'inventaire. Regardez, une brebis. Oui, il y a... Ils ont des... Ce n'est pas une brebis, mon ami. Bah, en tout cas, ça me fait penser à une brebis. Mais regarde ces petites cornes. Non, c'est un bélier, là. En tout cas, c'est très joli, les béliers. Je ne connaissais pas ces animaux. Ouais. Tu en as vu dans les champs... Oui, mais je ne connais... Autour d'Arnheim. Je l'avais vraiment confondu pour une brebis. Je connaissais pas les béliers. Il faut bien qu'ils se reproduisent, ces bêtes. Tu m'accompagneras donc, nous allons nous reposer cette nuit à l'abri de la case et nous repartirons demain. Je pourrais jouer de l'harmonica ? Je te recommande plutôt de dormir tant que tu le pourras et tant que la chaleur ne t'en empêchera pas. Bah, je partirai ma veste et je vais l'harmonica. Parce que ma veste. Ta veste, voilà, tu ne la supportes plus. La chaleur n'a fait que croître toute la journée. Et lorsque, enfin, le crépuscule s'annonce dans des couleurs d'or, il n'y a. Toujours une moiteur étouffante qui t'assaille et même garder ta chemise est rendu pénible. La plupart des indigènes circulent avec de simples comment Armen appelle-t-il cela, des saris ou quelque chose comme cela. Une espèce de jupe courte que portent les hommes comme les femmes au mépris de la plus élémentaire pudibonderie. Ils vont tels des animaux, mais ce que l'on peut comprendre compte tenu de la chaleur et de la moiteur étouffante qui règne. Tout autour, on entend les insectes crisser, bruisser, les moustiques qui vont, viennent, les mouches qui s'attardent autour des buffles qui pèsent dans les champs inondés tout autour du village. Est-ce que tu cherches à dormir, à te reposer ? Tu ne t'éloignes pas de la case qui vous a été attribuée ? Non, j'essaie de dormir parce que je suis épuisée. Je pose mon harmonica dans mon outre. Dans ta gypsière ? Oui, dans ma gypsière. Sur ton outre, ou ton outre dans ta gypsière également. Tu as fait une provision d'eau pour le lendemain. Tu vas puiser l'eau où ? Dans le lac. Alors, il y a une retenue d'eau près du village. Il y a un puits également au centre des cases, des maisons de bambou qui sont établies sur des espèces de pontons qui enjambent partiellement la rivière. Enfin, je l'ai pris dans la rivière plutôt. Tu l'as pris directement dans la rivière, l'eau ? Ou je sais plus. Ah oui, pardon, l'eau, je l'avais pris dans le puits quand pendant que je discutais avec Armen. Maître Armen. D'accord. Et je m'endors. De fait, vos provisions sont arrivés à épuisement au matin, il vous reste quelques quignons de pain tout dur, enfin, dont la croûte est dure, mais l'intérieur a commencé de moisir, il vous a fallu en jeter une bonne quantité. L'humidité qui règne ici ne faites pas bon ménage avec vos provisions. La viande, elle aussi, a dû être jetée en grande partie parce qu'elle n'a pas résisté aux assauts de l'humidité. Vous quittez le village pour une petite expédition dès le matin. Sauf qu'avant, j'ai cueilli quelques fruits pour en mettre dans ma gypsière. Et j'ai récupéré mon harmonica à la main. Tu as vu que les villageois allaient cueillir à même un grand arbre des fruits oblongues aux couleurs oscillant entre un vert tendre presque éteint et un rouge saturé tirant sur le bordeaux, voire la prune. Il te faut tes deux mains pour te saisir du fruit. Tu les as vus le couper en deux. et manger avidement la chair blanche au dedans et laisser le noyau un noyau qui ressemble à un os de seiche tout blanc une fois débarrassé de sa chair. Tu manges ton fruit. Et j'en passe plusieurs à Armel. Bon, bah, en manger une à vous deux vous suffit amplement. Vous avez les mains pleines de sa chair juteuse et sucrée. Et collante, je suppose. Oui, particulièrement collante. Si je fais toute une harmonica. Armen, après vos libations, va se laver les mains et savonner scrupuleusement les mains à même le cours d'eau. Il les sèche à même son surcot en désespoir de cause. Moi, je réenfile ma veste. Nantit son carnet, il a laissé sa grande veste de cuir sous la case et se déclare prêt à partir en expédition. Moi, je joue un petit air d'harmonica et ensuite je réenfile ma veste, je me lave les mains et... Je joue de la peau pour attirer des oiseaux, comme ça j'ai des amis en route. De fait, ton appau semble résonner étrangement dans cette contrée et tu as du mal à identifier ne serait-ce qu'un chant, en discerner un parmi la multitude de ceux qui retentissent dans le bois. Je vois un oiseau venir. Ah, tu en vois des multitudes, des oiseaux... aux parures multicolores, des oiseaux aux ramages tous plus resplendissants les uns que les autres. Tu t'intéresses à un oiseau en particulier ? Oui, celui qui est le plus proche. Il est très petit, hein, vert bleu-dâtre. Bleu-dâtre ? Avec un long bec et il bat très vite des ailes, de ses petites ailes. Et s'élève, redescend à la verticale, à ton grand étonnement. Et il est tout petit, cet oiseau. Il vient imposer ses petites pattes sur mon épaule. Il vient picorer les restes de mangue qui sont sur... qui ont attiré mais non, ce ne sont pas les mangues qui l'attirent. Tu te rends compte que les reliefs de ton repas qui ont taché ta chemise ont été colonisés par des petites mouches, de toutes petites mouches. Je lui tends une fleur parce que je me souviens avoir vu un oiseau de ce genre en train de manger et l'intérieur d'une fleur. Bon. Tu vas me jeter un des 20, s'il te plaît. D'accord, c'est quoi? Je me demande ce que c'est. Est-ce que je garde l'oiseau, c'est ça? J'espère. Déjà, si je loupe, je vais la. C'est là. S'il te plaît, quoi. Non. Deux. 12. Non, 2. Donc tu cueilles une fleur, tu l'attends vers l'oiseau qui puis son détourne ne s'y intéresse guère. Une fois qu'il a happé toutes les petites mouches qui batifolaient sur les reliefs de mangue qui t'achètent ta chemise, l'oiseau s'éloigne à tire-d'aile. Je rejoue de la peau. Tu n'as pas pour autant entendu son cri à cet oiseau. Tu ne l'as pas entendu pépier, chanter. Je rejoue de la peau pour savoir si un autre oiseau serait intéressé de venir. T'essayes d'attirer un oiseau en reproduisant l'un des chants que tu entends autour de toi, c'est cela ? Oui. Donc là, c'est... on va dire que... Attends. Donc, c'est bien ce que tu veux obtenir. Tu t'éloignes de, ou du moins tu ne t'intéresses pas aux allées et venues d'Armen et de Jan Verbeek, le soldat qui vous est attaché, et tu continues à jouer de ton appeau à la recherche d'oiseaux qui pourraient te convenir. On va dire que là, c'est ça relève du champ de ta mémoire. Donc, ton ajustement est de 2. Tu dois obtenir 13. Intelligence. 13. Ou plus de 13 sur le dé. Et c'est un autre oiseau du même genre. Mais qui lui était un fouilla plus grand, mais lui qui était super intéressé par la fleur. Seulement colibri. Il vient picorer dans la fleur et... Alors j'en prends plusieurs et je les mets dans mon sac. Tu en fais un bouquet dans ta gypsière. Comme ça, s'il vient avec moi, je pourrai le nourrir. Le colibri a l'air de ne pas être trop effarouché. Il reste auprès de toi et lorsque Armen revient de ses... Il se cache dans ma gypsière. Il constate sa présence avec un grand ravissement. Oh, je n'avais pas point vu cette espèce-là. Il sort son carnet et de sa mine de plomb, habilement, il croque une esquisse de l'espèce. On l'appellera le colibri Léona en l'honneur de ta découverte, mon brave. Rassure-toi. Je peux lui donner un nom pour ce colibri Léona. Il a ton nom, Léona. Léo, comme toi. Je préférerais l'appeler Léon, ce serait plus facile, puisque si on l'appelle... Léonin, d'accord. Cela répond à ton terme. Tu es... Papa, j'ai une blague. On l'écrit Léo, espace, nain, comme le nain, puisqu'il est petit, ou Léonin Léo, L-E... O-N-I-N. N-I-N ? Ouais. Ça fait ni. Léonin ? N-I-N, non. Ok, les gommes. C'est pas grave. Je barre. Je marque dans la caisse d'en dessous. Une fois qu'il a fini son esquisse, il s'intéresse aux fleurs que tu as cueillies. Et il passe un certain temps à réaliser d'autres esquisses au même endroit. Yann, lui, s'ennuie ferme, maugré... s'éloigne, donne des coups de pied dans la terre a l'air de trouver le temps long, fort long. Et toi-même, il te faut développer des trésors. Mais tu finis par, sans le brusquer, recueillir le petit colibri dans tes mains. Et le... Le caresser, mais il te faut faire un choix. Si tu veux le garder auprès de toi, il te faudra lui donner le mettre en cage. Car d'évidence, lorsque tu le sens, lorsque tes mains se desserreront, il repartira dans la forêt. Je demande si mon ami... Armène a une cage à me prêter pour... J'ai rien de tel avec moi, je n'en ai pas emporté. Il y en a probablement dans les bagages que nous ont laissés les coulis, mais je n'en ai pas ici. Ah, en parlant de ça, il y en a dans les bagages. T'avais raison, mon ami. Donc, il n'y en a pas ici, ils sont sous la case. Oui, je suis partie les chercher et je voyais de loin une cage... pile pour oiseau. Et elle était ouverte. Lorsque tu retournes à la case, tu as laissé le maître et Yann qui est resté à sa suite. Tu t'éloignes vers le village. Tu traverses une rizière où de nombreuses personnes de tous âges sont à la tâche. Tu peux constater combien il est pénible par cette chaleur qui a encore cru. La pluie prévue n'a pas éclaté la nuit dernière. Elle était annoncée par l'un des coulis qui vous accompagnait, mais... les flots n'ont pas déversé, les nuages, pardon, n'ont pas déversé leur flot de pluie salvatrice. Les nuages n'ont pas pleuré cette nuit. Et vous êtes encore sous le coup d'une étouffante chaleur. Et pourtant, tout le village travaille péniblement dans la rizière, alors que tu batifoles et rejoins. La case qui vous a été confiée, qui vous a été proposée. De fait, lorsque vous y êtes allé, la case était aménagée. Il y avait des paillasses qui étaient disposées. En votre absence, les habitants du lieu ont vaqué à leurs occupations, ont récupéré leurs affaires ou sont venus entretenir le lieu. En vous imposant ici, vous avez en quelque sorte troublé l'ordonnance des lieux eux-mêmes. Tu vois tout le bric-à-brac porté à dos d'homme depuis quelques jours par la corde domestique qui vous a suivi et puis maintenant en partie par les soldats. Tu en extirpes une cage et y introduis l'oiseau. Je ferme la cage, je prends la clé, je... C'est juste une petite baguette qu'on rabat, c'est pas une cage métallique, c'est une cage de bois d'osier qui a tressé C'est petit. C'est une toute petite cage, oui. Comme ça ? C'est comme ça. Comme ça ? C'est quand même grand, hein. Il te faudra la porter, mais il n'y a aucune... un bâton qui traîne par terre. Aucune cage métallique qui figure parmi l'inventaire de l'expédition. Elle serait trop lourde et particulièrement inadéquate en ces lieux. Alors je prends la cage... et je regarde l'oiseau, je lui dépose des fleurs dans la cage. Les fleurs sont déjà toutes défraîchies, celles que tu as cueillies. Elles ont perdu tout leur suc. Elles semblent fanées. Mais tout dernier degré. Et il y a une jeune fille que tu n'avais pas remarquée jusqu'à présent, une indigène qui se tient juste à côté de toi, et qui vient à tes côtés comme ça. Et pourquoi tu tues les fleurs ? Je les ai pas tuées, je les donnais à mon oiseau. Mais il ne t'appartient pas, cet oiseau. Je l'ai appelé, il voulait de moi. Non, il ne veut que voler librement. Il faudrait que tu le relâches. Un oiseau comme ça, il ne vivra pas 3 jours dans ta cage. Tu le condamnes à mort en le laissant ainsi. J'ouvre la cage. Alors là, tu agis en ami. Elle pose sa petite main contre la tienne. Elle a à peu près ton âge, elle a les cheveux... Je demande si elle veut venir avec nous dans l'expédition. Tu veux venir avec nous ? Ma foi, je peux vous guider jusque dans les hauteurs. Il vous faudra franchir le col, moi je connais le chemin. Oui, je peux vous guider. Merci. Je dois demander l'autorisation à l'ancien. Bien. Tu m'accompagnes ? Oui. Et je l'accompagne en jouant en air d'harmonica. Montre. Je doute que l'ancien apprécie ta musique tonitruante. Ça va réveiller les morts. D'accord. Je range ça. Range-la dans ton sac. Mais... ne joue pas de ça en sa présence, ça trouble l'harmonie. À mon avis, il appréciera pas et il sera dans de mauvaises dispositions. Le nom, c'est bizarre, parce que si ça trouble l'harmonie, le nom à cet objet, c'est harmonica. Ah, la mélodie que tu en tires est tout sauf harmonieuse. On a l'impression que c'est un combat de chat au moment où la trêve est rompue. Non... mais t'as vu qu'il faut pas que tu en joues en la présence des vieux, hein. D'accord, je range ça. Hop. Et vous dirigez ensuite vers l'une des cases qui se trouve aux abords du puits. La jeune fille a changé d'attitude. Elle t'a pas dit son nom. Tu le lui demandes ? Oui, je lui demande son nom. Comment t'appelles-tu ? Grenelle. C'est mon nom d'ami. Alors il faudra veiller à bien l'employer si tu veux rester mon ami. Et toi, quel est ton nom d'ami ? Léo. C'est ton nom d'ami ? Pourtant tu l'as donné... au moustachu ventripotent qui braillait hier au soir. C'est pas un nom qu'on donne à ses amis, ça. Bah, tu m'appelles comme tu veux, mais moi, on m'appelle souvent Léo ou Léon, ça dépend. Alors, je choisirai un autre nom pour être différente de ce gaillard qui vocifère. Je t'appellerai... je te regarde. Héron. Héron ? Héron Paton. On dirait un nom d'oiseau, ça. Bah oui, tu es comme le héron. Tu te déplaces curieusement avec ta tête en avant à la recherche de je ne sais quoi tout le temps. Tu ressembles fort au vieux monsieur que tu accompagnes, à l'ancien. Celui qui parle notre langue. Je lui prête ma peau. Regarde ma peau. Ça a attiré plein d'oiseaux ici. Il faut pas capturer le chant. Non, c'était juste pour pouvoir les caresser et c'est un ami qui m'a dit de les mettre en cage. Ça m'a attristé de devoir les mettre en cage. Et ça t'attriste pas de mentir ainsi ? Tu vas me jeter un dé pour déterminer pour moi, pour... Donc là, c'est sous ton charisme. 16. Charisme 13. Je dépasse. Alors, non, c'est pas dépassé. Ah, c'est... Ça détermine, c'est ta défense, donc ta défense. D'accord ? 13. Donc, ça veut dire que tu as plus 3. Il faut obtenir 15 ou plus, normalement. Tu ajoutes 3, donc il te suffit d'obtenir 12 pour réussir. Mais c'est en opposition. Toi, tu le fais avec conviction. Tu es en train de mentir, là. Bah non, enfin... C'est pas le maître qui t'a demandé d'emprisonner les oiseaux. Bah, c'est la garde forestière. Hein. J'aurais pu avoir... Mais, et donc, je lance aussi les dés pour déterminer si elle te regarde comme ça. Si tu le dis, très bien. C'est curieux de vouloir emprisonner toute la beauté que nous donnent les bois. C'est un naturaliste. Et il veut tout découvrir et... Il veut surtout capturer les oiseaux et les animaux. Mais il n'y a pas besoin de découvrir. Il suffit... De regarder. De regarder. Tout s'offre D'écouter. À nous, librement. Tu ne crois pas ? Si. Mais si je n'écoute pas, je risque de me faire punir. De nourriture. Tu serais privé de nourriture. Moi, je pourrais te donner à manger. Tiens. Elle ouvre une... petite une espèce de petite pochette et elle te tend un scarabée. Ça se mange ? Croc. Il est tout sa chitine est toute craquelée, il y a une espèce de substance gluante dessus. Je mange. C'est extrêmement sucré, comme la... Mais c'est super bon. Comme la chair de la mangue. Je me lèche les doigts. Si tu restes et rompons, alors moi, je pourrais te donner encore des cancrelats. Et je sais pas si tu connais le fruit qu'il y a autour de votre village. Tu y as déjà goûté ? Naturellement. En tout cas, je trouve ça super bon. Mais c'est très gros et collant à la fin de l'avoir mangé. On peut en faire. On peut garder le jus et puis le boire. C'est délicieux. J'en ai cueilli quelques-uns. T'en as cueilli beaucoup qui n'étaient pas mûrs. Ah, je le savais pas. Donc il faut attendre qu'ils soient presque tout rouges et que la chair soit tellement renflée que. Là, ils sont bons. Là, ils sont succulents. Là, la plupart, ils vont servir aux cochons. Je vais les remettre dans la nature. Laisse-les dans... sur la place. Je les laisse sur la place. Et je me dis... Donc, tu peux venir avec nous ou... Il faut aller voir l'ancien. Je te l'ai dit. Oui. Il est encore loin. Non, vous avez fait des allers-retours entre la case et vous dirigez vers le centre du village. Vous êtes arrêté, vous êtes revenu. Vous allez jusqu'à la case qui se trouve tout près du puits où il y a un vieux monsieur qui observe ce qui se passe alentour. Un vieil homme avec une barbe grisonnante qui lui tombe sur la poitrine. Il est allongé sur une paillasse. Il ne se redresse même pas lorsque la jeune fille s'approche. Il discute avec elle longuement. Ils échangent. Ils échangent tous les deux. Granelli. Ils échangent longuement dans leur langue natale, chantante, presque liquide. Tu ne reconnais pas les mots, tu ne parviens pas à identifier ce qui pourrait être le verbe ou le sujet. Les sonorités se répètent, tu les as déjà entendues, mais t'es-tu seulement intéressé à apprendre leur langue? L'as-tu seulement envisagé? Là, j'essaye un peu de comprendre les mots qu'ils disent. Retenir, mémoriser? Oui, pour essayer d'apprendre. Mm-hmm. Mieux vaut essayer d'apprendre. D'accord. Il y a un mot qui revient, qui a l'air d'être récurrent dans le discours du vieillard, même si sa prononciation est plus hésitante. Ou du moins, il n'a pas l'air de former les mots aussi distinctement à ton oreille que la jeune graine ailée. Il y a un mot qui revient régulièrement, c'est « kao ». Et ça a l'air d'être empreint d'une importance dans le discours. Tu ne sais pas ce qu'il signifie, mais... Je demanderai à mon ami. Tu pourras lui demander une fois qu'elle se sera entretenue. Et finalement, elle revient vers toi et puis elle te dit « J'ai le droit de vous accompagner. Si vous partez, je vous accompagnerai jusqu'au col et je vous servirai de guide. » Merci beaucoup. Et j'ai entendu un « kao » dans un discours. J'aimerais savoir ce que ça veut dire. C'est le roi, la reine. D'accord. Je trouve que votre langue est très différente de la nôtre. Il y a autant de langues qu'il y a des saints sur la terre. Mais tu sais, l'ancien, il parle votre langue, il l'a appris lorsqu'il était sur la côte. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais de votre langue. Même si je me trompe parfois de mots, tout ce que je sais, je le tiens de lui. Il est un grand érudit parmi nous. Oh, regarde, c'est le colibri de tout à l'heure. Oh, il y en a beaucoup par ici. En tout cas, ils sont très beaux. Mais bientôt, nous ne les verrons plus. Quand la pluie tombera, ils iront se réfugier à l'intérieur de la forêt. Ils ne s'aventureront plus dans la prairie et les rizières. Ils disparaîtront pour quelques jours seulement, mais ils reviendront ensuite. D'accord. J'espère que je pourrai en recroiser pour les regarder. Je les trouve vraiment très fascinants. Au soir, vous revenez, vous faites un repas de mangue. Tu annonces... Que tu as trouvé un guide et une amie pour vous accompagner. Et je dis que Granelli peut nous accompagner comme guide. Mais au fond, je pense qu'elle peut nous accompagner en tant qu'amie. Alors, elle ne mange pas avec vous. Vous êtes, vous mangez tous ensemble avec les soldats. Yann s'empare d'un morceau de viande séchée qu'il découpe et finit par manger à même le quignon avidement. Tout a l'air pourri ici. Non, mais c'est bon, les mangues, tu devrais goûter. Pour ramollir, bien peu pour moi. Dit-il. Les morceaux des reliefs de son repas qui repose dans sa barbe fournie, une barbe rousse qui dépasse de sa chemise. Tiens, on voit ton menu sur ta barbe. Hein ? On t'a dit qu'il fallait pas s'adresser aux grands comme ça ? Le marmot, là ? Non, mais... Tu vas me lancer un dé. C'est sous ton charisme. Donc t'as 13. T'as plus 3 en bonus. Ok. Et on t'a donc rien appris. Désolé, c'est sorti tout seul. Ouais. Prochaine fois, je te talocherai. Ça ne recommencera plus. Et dire qu'il faut garder, protéger de la graine de potence comme ça, des turlupins à peine sortis des langes, qui vont dans la campagne batifoler, attraper des oiseaux. Et ça rapporte pas un fifrelin, ça. On est payé en monnaie de singe, on peine pour rien. Il me tarde de finir avec cette expédition. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres ? Et ils se mettent à grommeler tous ensemble, à manger. Et là, tu n'avais pas vu, entre deux ballots, il y a Grenelé qui se tient accroupi. Vous respectez pas les usages. Vous risquez d'avoir... Vous avez déjà manqué. Il faut remercier les tiennes avant chaque repas. Ils mangent tout, et on dirait des cochons qui se jettent sur la viande sans bien laisser aux tiennes. Et en plus, ils disent que la mangue, c'est dégoûtant alors que c'est super bon. Ils savent même pas être gentils avec les enfants. Armen, après un bénédicité sommaire, mange de la mangue et tu l'aperçois du coin de l'œil qui vous épie ou vous regarde ou prête légèrement attention à votre conversation, mais il reporte celle-ci finalement vers... Mais pour le coup, je n'avais pas commencé à manger, moi. Il faut remercier les tiennes. C'est indispensable. Sinon, le malheur va s'abattre sur nous. La pluie va durer plus que de raison. Bien, je vais le faire de suite. Ils ont déjà rompu aux usages. Il faut que tu les convainques de céder une part de leur provende aux tiennes. Tu vois là le... Et il y a une petite statuette de bronze autour de laquelle il y a des fruits. Et des fruits à demi pourris autour desquels... volette une nuée de mouches. Il faut que tu laisses un morceau de viande au tienne sur l'autel. Sinon... Yann... Elle laisse sa phrase en suspens, puis... Je te laisse, je dois rejoindre les miens. Bien, à plus tard. Mais c'est indispensable pour les préparatifs du voyage, sinon... Je le ferai. Comment entends-tu convaincre la compagnie de... Ben, leur disant que, voilà, j'aimerais un tout petit bout de viande, je n'en prendrais vraiment pas beaucoup. Ouais, c'est gâcher de la viande pour des mioches. La viande, c'est pour ceux qui suent. Qu'est-ce que t'as fait pour mériter ta viande aujourd'hui ? J'ai aidé à ranger les bagages. Bah, tu vas nettoyer les écuelles, tu vas fourbir les armes, et quand t'auras fait tout ça, t'auras ton morceau de viande. Allez ! Et d'un coup de pied, il te repousse. Laisse-nous manger tranquillement. Et je veux pas refaire ce qu'il m'a demandé de faire. Tu t'occupes de ce qu'il t'a demandé ? Oui. J'ai pas envie de me reprendre un coup de pied dans la tête. Le la nuit s'est installée lorsque tu as enfin tout rangé, tout astiqué, graissé. C'est un travail pénible que de tout vérifier, de tout entretenir. Je prends une feuille qui traînait par là, je prends plusieurs feuilles qui traînaient par terre pour pouvoir me faire une couche. Oui, il y a des paillasses déjà. Ah, bah je vais sur les paillasses. Tu vas sur les paillasses avec les autres. Lorsque tu reviens pour rejoindre ta paillasse, tu vois qu'ils ont laissé un tout petit morceau de viande de la taille de l'un des dés auquel ils jouent le soir. Et puis il y a un des coulis, Ling, qui s'approche de toi. Et est-ce que je peux l'écrire là? Moi j'ai le droit aussi de l'écrire. Oui. Qui s'approche de toi et qui dit mais, oui maître, il faut pas prendre de ce morceau de viande. Pourquoi? Ils l'ont trempé dans l'urine pour te déshonorer. Laisse-la bien en vue. Mais il fallait ils sont horribles. Il fallait faire des dons. Rassure-toi, petit. J'ai honoré le temple. J'ai honoré les ancêtres. Viens avec moi, nous allons prier. D'accord, je viens. Et je repose mon harmonica que j'avais à la main dans ma... Ta gypsière ? Oui. Tu le vois, il prend trois bâtonnets d'encens comme ça. Il vient prendre... Les allumer à une braise et puis il s'approche du temple et agite. Je fais de même. Et tu l'entends. Une litanie, une mélopée qui s'échappe j'essaie de faire sa bouche. Et tu es à. Il est accroupi, il se tient. Accroupi comme ça en agitant tu te prêtes aussi tu l'accompagnes dans sa prière. Oui. Donc tu vas me lancer un dé, c'est sous ton charisme. D'accord. Il y aura beaucoup de charisme, hein. Et t'essaies de te joindre à sa prière. C'est un côté chantant, mais c'est une langue totalement différente que les accents des gens qui vivent le long de la autour de la rizière. Lui, il vient de l'empire de Chine, ce Ling. Même si manifestement il a les mêmes croyances que les sauvages que vous avez rencontrés, tu te joins à sa prière et le principe, je m'interromps dans ce que je disais, le principe c'est toujours d'obtenir 15 ou plus. Avec le bonus. Donc, non, tu n'as pas réussi. Ah non, 7. Je reprends. Vous priez tous les deux, tu te joins à lui, tu tentes d'adopter le ton de sa prière. Et bientôt, d'autres vous rejoignent. Et les enfants du village font cercle autour de toi et de Ling. Et tous vous chantez assemblés autour de l'autel. Tu chantes, tu en essayes. En essayant de reproduire, dire, j'étais en mode. Qu'est-ce que je fais ça? Peut-être que je me fasse pas remarquer. Et tu te surprends à avoir la même attitude que Grenelle plutôt quand elle t'observait en train de jouer de l'harmonica. Tu es en train de jouer de l'harmonica comme elle essayait d'en jouer. Tu joues la prière, tu chantes la prière. Mais il va trop vite, tu n'y arrives pas. Et il y en a un qui s'esclaffe en te voyant limité. Ils sont tous penchés. Et la mélopée continue. Mais j'essaye quand même. Hein. J'abandonne pas. Hein, Léo n'abandonne jamais. Mais... Tous te regardent avec des dans leurs petits yeux noirs beaucoup de lumière, beaucoup de plaisir à te voir les accompagner dans la prière. Et il y en a qui te tapotent sur l'épaule, qui s'approchent de toi et qui articulent exagérément. Et tu as du mal à conserver ton sérieux et à ne pas éclater de rire, mais tu restes dans ta volonté de les accompagner dans leur... Oh, Léo, ne m'abandonne jamais, comme je disais. Mais, Grenelle te dit... Mais... Et là, juste derrière toi, il y a le gros... Yann qui tu devines, tu vois d'abord son ombre projetée au-dessus des flammes du feu qui ronfle non loin, tu vois son ombre se porter au-dessus de toi et la barbe immense rousse dans le noir. Mais c'est qui joue les sauvageons celui-là? Je cache mes yeux comme ça. Et il te donne un grand coup de pied dans les fesses. Ah, ça joue les sauvages. Ça mérite même pas la nourriture qu'on lui tend. Allez. Allez. Et que je t'y reprenne pas. Bien. Et je pars me coucher. Eh, mais normalement, j'en suis à 2 points de vie. De coups de pied, de points de vie. Mais là, il t'a donné, non pas une ruade, mais il t'a donné une grande claque derrière la tête. Et ta tête, en retour, a heurté l'un des piliers sur lequel repose le toit. C'est un pilier de bois noir ouvragé. Tu as senti le bois, les gravures s'imprimaient dans ta chair. Tu as vu des lueurs qui n'étaient pas présentes là sous les étoiles. Le coulis n'y est plus, les gamins ont disparu. Il n'y a plus que les insectes qui bruissent autour. Même le grand Yann a rejoint sa couche. T'as entendu grincer les lattes du plancher sous son poids, sous ses bottes. Bah, j'y vais. En tenant comme ça ma blessure pour éviter que ça coule partout. Et... Alors que tu t'approches de la paillasse qui t'était dédiée, tu vois que Yann se relève un temps soit peu, tu vois juste la forme de sa tête dans la pénombre tournée vers toi, ses pupilles blanches s'étrécir. Les sauvages, ils dorment dehors. Je pars dehors. Tu vas dehors, là, tu sens encore la chaleur, les insectes. Tu vas t'installer. Où vas-tu t'installer ? Je m'installe sur les feux que j'avais préparés avant. Tu rassembles quelques feuilles sous toi, tu t'installes. Tu n'as pas, à proprement parler, froid. Je l'ai dit à plusieurs reprises, la chaleur, la moiteur est étouffante. Que ma blessure s'infecte avec le sol, il n'est pas tellement propre le sol. Tu n'as pas une plaie, mais ta bosse te lance. Et tu es contraint de dormir en plaçant ta tête sur l'autre côté contre tes mains. Oui, tu sens la cette blessure, cette bosselure qui te lance. C'est comme si j'étais muet que tu es à peine endormi. Tu as mal, mon ami. Je me réveille comme ça. C'est Grenelle qui est juste à côté de toi. C'est ma maman. Quand j'ai mal, comme ça, elle me fait juste un bisou sur la blessure. Et puis la douleur, elle s'envole, comme tes oiseaux. Bisous magique. Tu y crois ? Oui. Alors, je te donne mon bisou d'ami. D'accord ? D'accord. Et tu sens Céleste posée sur ta blessure. Tu réprimes un mouvement de recul, mais sitôt qu'elle a posé ses lèvres, tu entends ses pas s'éloigner et elle disparaît dans la nuit, laissant juste le souvenir de sa gentillesse auprès de toi. Et du coup, je m'endors et là, c'est le matin. À part s'il y a un truc qui a... Tu t'endors. Cette nuit.